arc-en-ciel, un amour de FM. Il est 13h36 minutes. Voilà, donc bien en compagnie de Nicolas jusqu'à 17h avec l'émission Business. Donc bienvenue si vous preniez l'écoute et j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Voilà, donc avec plusieurs chansons différentes cet après-midi qu'on va écouter ensemble, voilà, pour vous faire simplement aussi plaisir. Ce qui est super, c'est que c'est une matinée avec l'émission tout simplement de ce matin avec Francky, le matin jusqu'à 9h, et puis juste après avec Lionel, de 9h à midi, qu'on va le retrouver donc la semaine prochaine. fuerza del mar que se mete por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Voici Frédéric Arnaud avec son titre La Fête Gitane, et puis juste après un duo avec tout simplement Les Nacantes. Elles ont la couleur du feu et la chaleur dans le cœur. C'est le vent dans leurs cheveux et la fierté dans les yeux. C'est le soleil que l'on aime, le voyage qui les mène. Un instant d'éternité, la famille de respect. Même s'il est tard, oh, oh, allez, moi je prends ma guitare, oh, oh, allez, on va danser ce soir. Les ennuis, c'est de l'or dans notre vie. C'est le rythme des gypsies, oh Sainte Marie. Et même s'il est tard, oh, olé, moi je prends ma guitare, oh, olé, on va danser ce soir. Yeah. c'est tout ça. Tes épaules sont aussi tôt descendues sous le plat. Ton souci t'a fait si tôt glisser sur le verglas. Si et seulement si tu, si tu aimes cela. Juste après t'as le si, mais c'est bien sûr pas cela. Allez, pas un récit qu'on raconte au lilas. Toutes les fleurs sont ainsi, belles d'arômes et d'éclats. Tous ces arbres concis, aussi concis qu'on soit. Celui qui rétrécit n'est pas celui qu'on croit. J'aimerais te dessiner un sourire de gala. Magicienne décidée, le voici, le voilà. Pas besoin d'un merci, non, parce qu'on le conçoit. Une nécessité la plus saine qui soit. Allez, souris, souris, souris. Allez, souris. Rappelons la consigne de ce vice versa. Un sourire est un signe si puissant qu'on envoie. Le plus beau des insignes, que ça. Je persiste et je signe, et c'est dans ça qu'on croit. Allez, souris. On aurait tort de s'en priver. Souris. C'est de la glace qu'on va briser. Souris. T'imagines pas ce que ça induit. Allez, souris. C'est du vacarme sans un bruit. Allez, souris. Montre-nous bien toutes tes dents. Souris. C'est beau dehors, c'est beau dedans. Passez un bon moment. Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Arc-en-ciel, un amour de FM. When you're in the world, world, world. wonderful, how wonderful it is when you're in the world, world. Maintenant avec Shakira, et puis juste après elle, ça sera Kate Loris avec Kalinka. Existence, baby, I will find the end. Be so neat, got my freckles on your body. Never could imagine it.

arrive et gosse quand c'est monsieur qui bosse au départ. Pour que maman te dise ni putain ni soumise, tu rigoles. Entre môme et boulot, entre danse et judo, ah bah c'est pas de bol. Debout dans la cuisine, les mains dans la farine, tu dégames. Conséquence et culture, elle est belle l'aventure au départ. Partons égalitaire, entre utérus et salaire, as-tu de poil? Parlons virilité, parlons prix à payer. Parlons peu, parlons bien des efforts de qui d'une, de qui dort, de nous deux. Dans ta tête, tu rabâches répartition des tâches et tu pleures. Les demandes sur le fer, tu repasses à l'envers tes erreurs. Dans la bagnole, entre job et école, tu abdiques. Entre Paris tenu et ta victoire perdue, c'était le risque. Foutaise de droit acquis, tu t'inventes une sortie pour la suite. Jamais baisser les yeux, on n'a rien trouvé de mieux, ça palpite. Cargo de nuit, c'est Axel Bauer et puis suivi de Michel Sardou, Être une femme. Thank you. et de la faire porter la France.

sourcils. Pour le meilleur souvent, récolté que le pire. Quand tu n'as plus la force, ni même le désir. Et tellement chialé, et tellement maudit. Qu'avant de parler d'amour, il te parle d'argent. Et de regarder partir ce que t'as protégé toujours. En osant le sourire sur tes chances de retour. Comme un poignard au cœur. Quand une femme te quitte, une amitié se meurt. Quand la bonté chez toi n'a jamais eu sa place, non. La justice se vit seule devant sa grâce.

radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Des émissions suivantes, et bien donc pour ce soir, à partir tout simplement à partir de 19h jusqu'à 19h30, pardon, jusqu'à 21h avec Christophe, l'émission Lyrique Choc. Et puis donc demain sera donc mercredi, et dès à partir 7h jusqu'à 9h, vous allez retrouver tout simplement Francky au réveil, et puis juste après avec Victor entre midi jusqu'à, pardon, 9h jusqu'à midi avec Victor. Et puis donc dans l'après-midi, bien, vous allez retrouver tout simplement à partir de 14h jusqu'à 15h avec Gloria, et puis juste après entre 18h jusqu'à 19h30, Violette avec l'émission traditionnelle. Voici donc qu'on va changer un peu de style de musique. Voici du zouk. Evitar que tenha sentido, Katem. Evitar que tenha sentido, Katem. Que tenha sentido, ai, Katem. Bem o mundo pra sofrer. Quer saber quem é solidão? Como o meu amor alcança? Cada deixa para ser. Será que Deus

fica. Tô garoto, ninguém mais toca. E nessa paixão maluca, ensaiar o Kama Sutra até de manhã. Ei, aquilo que sonhei, eu fiz dessa ilusão. O amor que mora aqui. Rien ne sera jamais plus comme je t'aime. Si tu savais combien je t'aime, que tu ne peux me comprendre, ne peux entreprendre de m'aimer comme je t'aime. Si tu savais.

amour de FM. Que reste-t-il au fond?

choix. Toi qui m'as suivi dans chacun de mes pas. Toi qui m'as aimé, c'est pour toi que je suis là. Voici, il s'appelle Laurent Anglebert, et puis juste après, on écoutera tout simplement le groupe Gold, mais avant, ça sera Daniel Balawan. T'avais été si bien pensé, les idées claires et les gestes méthodiques, elles portaient des dessous satinés. C'est prédire un moment magique. Le regard des hommes n'est qu'une illusion. Fragile, elle y prête attention. Oh, pour oublier une vie d'exil, un pays en voie de destruction. Allume une cigarette et se penche par la fenêtre. La fontaine reflète des larmes ses yeux. Au loin, le brouillard défie le feu. Se laisser prendre au jeu encore une fois. Pouvoir éteindre la lumière et rêver au bonheur autrefois. Et quitter Bye.

Arc-en-ciel, un amour de la femme. Demain on sera donc après-demain, pardon, après-demain on sera jeudi, voilà, donc parce qu'on a fait déjà le mercredi, donc voilà pour le jeudi, donc le jeudi matin à partir de 9h jusqu'à midi avec Armel Giraud, et puis dans l'après-midi à partir de 15h jusqu'à 17h avec Chantal avec le groove tropical. Et puis pour le jeudi, voilà, vendredi matin à partir de 9h jusqu'à midi avec Lorenzo, suivi de 13h30 jusqu'à 16h avec moi-même, donc Nicolas, avec l'émission S comme souvenir. Et puis juste après, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Manu avec l'émission Découverte, et puis Albino juste après, entre 19h jusqu'à 22h. Voilà donc, eh bien, je vous laisse tout simplement le titre, ça s'appelle Imagine, et c'est une chanteuse qui s'appelle tout simplement Nat Alia, et puis juste après elle, ça sera une autre chanteuse différente. Dream. Axel Deval, le titre s'appellera tout simplement Amour libre. Comme cette voix qui t'es-tu, mais de où qu'es-tu, à ce silence je m'habitue. Comme cette voix qui t'es-tu, mais de où qu'es-tu, à ce silence je m'habitue. Je ne m'en souviens plus, les siècles se sont refermés. Je ne m'en rappelle plus, plus de feu dans ma cheminée. J'ai beau vouloir marcher, tenter de traverser, les braises ne sont plus que des cendres. J'ai beau vouloir penser, parfois philosopher, la neige a fondu en décembre. Poursuivons sans répit le chemin de la poésie. Dans ma chambre tapis, je sombre dans la fantaisie. J'ai beau vouloir m'enfuir, faire semblant de sourire à cet horizon ineffable. J'ai beau vouloir partir pour ne pas retenir. L'amour s'est posé sur le sable. L'amour s'est posé sur le sable. L'amour s'est posé sur le sable. Amour, toujours sans concession, notre passion compte ses jours. Je cours me perdre dans l'oubli, tout seul sous la pluie, bien mal acquis, mais bien conquis sous les étoiles. Je plane, oh mon amour, que je suis sourd quand tu me cries. Au blâme, comme la lune est pâle. Ce soir, dans la nuit, je ne t'appartiens. En duo, tout simplement, c'est Corinne Jackson et puis Eli Diaz. Et puis juste après, ça sera tout simplement Lily Harmony. Je vois dans tes yeux comme un souffle de vie. Et je me sens heureux comme c'est pas permis. Les larmes du ciel ne m'atteignent pas. J'ai comme un goût de miel et suis dans tous mes états. Comme un souffle de vie qui nous pose vers les chemins interdits. Comme un souffle de vie, tu es ma lumière. T'éloigne pas. Comme un souffle de vie qui nous pousse vers les chemins interdits. salsa. Permettre de faire du périnée pour sentir en mon corps la fais mal. J'ai mal à mon père quand mon désir s'emballe. J'ai mal à mon père quand la folie se monte. J'ai mal à mon père quand la colère me trompe. J'ai mal à mon père quand je sens rafale les émotions fiévreuses où mes sens se détalent. Le titre Souviens-toi, maman. Toi et fait notre destin, ça tient à peu, ça tient à rien. Dieu dans les yeux, main dans la main. On s'était perdu, on s'est rejointe. Quand je me souviendrai de toi, je n'oublierai jamais les mois dans lesquels ton regard m'a plongé. Quand tu m'as enfin regardé. s'appelle tout simplement Lisa Aura, et puis juste après ce sera tout simplement Lorian Bach. Sur des coups, sans courage dans les plus beaux combats, j'ai senti mes rêves les plus fous. chuchote ma prière. Ma révolte, ma colère. De promesses non tenues, entendrai-je s'attrahir sur la grande avenue de l'avenir. De promesses non tenues, entendrai-je s'attrahir sur la grande avenue de l'avenir. Pilote ma prière. Un amour de FM. Thank you.

l'essentiel. Voici donc Alonso, le titre j'écris, et juste après, jazz.